et vous aurez la phrase originelle en italien à l'extérieur du musée, sur la, le mur de la marche. Vous la voyez, cette fenêtre-là. Et dont l'œuvre utilise l'espace, utilise la, les éléments de l'architecture, la marche d'onde qui vient d'un moment précédent, utilise cet espace qui est très intéressant et qui nous fait voir vraiment une partie inconnue et impossible de l'architecture. Et dont l'œuvre se met en relation avec le contexte du château, le contexte de l'architecture. Et on a cette idée d'utiliser les deux langues, l'italien et l'anglais, parce que c'est une référence à un choix de la direction du musée que Joseph Kossuth a voulu réfléchir, d'utiliser l'italien pour communiquer au territoire et dans l'aspect local, et l'anglais pour l'ambition internationale que le musée a eu depuis son ouverture. Et donc l'artiste, il respecte cette idée, cette volonté de l'utilisation des deux langues, et donc il le fait avec les caractéristiques de, son, de sa production et de son parcours artistique, mais en utilisant vraiment de façon réelle et physique l'aspect architectural du contexte. Et vous voyez la phrase en italien est aussi écrite sur la cartelle. Et c'est une phrase qui parle de l'importance de l'expérience pour la compréhension et pour la compréhension de la vérité. Gracias.